Troublemakers, Namor, Moneymakers, Linda, Fred Berthé, ce que j'ai de plus cher, la santé, la musique et ma liberté, Marseille vieux port. Comment? Bon, dès mon arrivée sur le beat, mec, ça nique à mort. Et si Chibuki t'a en une os que Gina mort, j'perpétue le bordel pour tous les amateurs de gros sons sur les dance floors. Chérie, tu sais qu'on reste fort pour faire bouger tes jolies formes sous les strombos du sol au plafond. Putain, j'kiffe quand t'es à fond. French Connection, Marseille City, toujours la grande classe de la voix de miel jusqu'au BPM. Rien à faire, toi et ta BM, si tu danses pas, constate que ça passe pas. On apprécie tant voir les sœurs funky dans les clubs épanouis en folie et lâchés. Prenons la nuit à temps caché, d'émotions, d'inattendus, de rêves et de plaisir à offrir. Alors que chaque jour on passe mon putain de temps à souffrir. Troublemakers m'aident à m'enfuir, donc c'est cage. Allez du beat et de l'encre qui inonde mes pages, tandis que les autres bloquent à la plage. Canalise mon énergie dans la pratique artistique pour enclamer l'apologie. La quête de l'imaginaire reste ma logique. Éduque à talamologie, style rap d'anthologie. Expert en coach, docteur en sodomothérapie, réputé en gynécologie. Et c'est parti, contrôle au platine, du top quality. Quand la hyène est de la partie, donc sans te mentir. Cousin je les attire, nique les martyrs. On a les vitamines pour repartir, encore des années. J'aimerais donc planer, fumer du libanais en compagnie de toutes ces gamines d'ici à Mani. C'est pour ma famille, je suis condamné à l'anesthésie de mes canines. Mon modèle humain, ma vie n'est pas terminée. Pourtant ce monde parallèle voudrait m'éliminer.